Bonjour, je vous appelle au sujet de la location de mon appartement. C'est un studio de 29 mètres carrés. Il est situé dans le 19e arrondissement, à 10 minutes du métro, porte de la Villette. Il se trouve au 5e étage sans ascenseur. Il y a une mezzanine pour mettre le lit et un petit coin cuisine. Le loyer est de 600 euros plus 30 euros de charges.